chaque matin sur Rust. C'est un miracle. Pas d'allier garanti, pas de lendemain écrit. Mais chaque jour, Ride et Scale se relève et sourit à l'acier. Les bases brûlent, les coffres se vident. Mais tant que je respire, je construis encore. Pas pour dominer, pour célébrer la beauté d'un toit qui tient malgré les tirs. Mes respons, mais chaque mot m'a appris à mieux vivre. Rust, c'est pas que la haine, c'est le jeu de l'âme. Et moi, j'y joue avec foi. T'as gagné plus que tout. Moi, j'ai choisi de croire en l'invisible victoire. Ils m'ont vu seul, mais j'ai jamais été solitaire. J'ai mes souvenirs en courage et ce feu dans le cœur qu'aucune roquette n'éteint. Who shines through grief and dark? In him we trust. Who leads with soul and si tout retombe un jour, moi je continue de chanter sous la rouille, parce que chaque note, chaque pas, c'est une victoire contre